aucun de ses bienfaits. Celui qui te pardonne tes iniquités, celui qui délivre, qui te guérit de toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce soir, je veux te louer encore. Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, shida zote. When you shine, you are. Même quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, tu m'aimes. Sita sahau. Tu es avec moi. Katika shida zote. When you shindi wangu sita sahau baba sita sahau wanijua tu me connais par mon nom jua katika shida zote when you shindi wangu rabashaya rabos. Quel que soit le temps que nous sommes en train de passer, quels que soient les défis par lesquels nous sommes en train de passer. Bien-aimé, je voulais te conseiller ce soir de ne pas douter de l'amour de Dieu. Il est celui qui nous aime malgré notre situation, malgré ce que nous faisons face. Oh, il est notre Dieu. Il est celui qui nous connaît. Il ne nous a pas oubliés. Il nous connaît. Radabo Sayarababo. Sita sahau yes, sita sahau yes. Mon âme n'oublie pas le bienfait de l'Éternel. Mon âme n'oublie pas la bonté de l'Éternel. Mon âme n'oublie pas. Oh, oh, oh. Sita sahau, sita sahau. Parce que tu es au-dessus de tout, si tu as ça, si tu as ça, situation, tu n'as jamais échoué. Tous les jours de ma vie, siku zote za maisha yangu, tu restes le tout puissant. Wabaki Mungu mwenye uwezo wote. Mon tout puissant. Mungu mwenyezi wangu. Mon Dieu. Mungu wangu. Mon roi. Mfalme wangu. Mon Seigneur. Bwana wangu. L'ancien des jours. Zamani ya siku. Le Dieu élevé. Le Dieu suprême. Mungu mkubwa. Le Dieu véritable. Mungu wa kweli. Tu restes le même. Unabaki yule yule. Tu n'as jamais échoué. Haujashindwa. Et aujourd'hui tu n'échoueras pas. Na leo haujashindwa. Dans la vie de mon frère, tu ne vas pas échouer. Haujashindwa. Car tu es Dieu. Maana wewe ni Mungu. Et il n'y en a point d'autre. Na kuna mwingine. Nous avons compris. Tumeelewa. Que c'est auprès de toi. Ya kwamba ni karibu. Que réside le salut. Ndipo kuna wokovu. Tu avais choisi. Ulichagua de faire de l'homme mfanye mwanadamu lumière des nations nuru ya mataifa porteur de salut na naipeleka ukovu. Que ton salut ô Dieu acha ukovu yako e Mungu soit diffusé en ces lieux yende kamimino mali hapa que chaque personne na kila mtu reçoive sa part aenda kapokee sema Seigneur bénis ta parole Bwana bariki neno lako. Dispose nos cœurs. Tarisha mioyo yetu. Oh Saint-Esprit, prends-nous en charge. Roho Mtakatifu tuhudumie. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu. Je soumets tout esprit et toute chair. Natisha kila roho. À l'obéissance à Christ. Kwa kutii Kristo. Je soumets les esprits sournois. Natisha roho za siri. Je soumets les influences et distractions. Natisha à l'obéissance à Christ. Kwa kutii Kristo. Je prie Seigneur. que tu nous rassembles devant toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous devant le Seigneur. Na wasalimu kwa jina la Bwana. Je bénis le Seigneur. Nambariki Bwana. Pour votre présence. Kwa ajili ya uwepo wenu. Parce que vous connaîtrez la vérité. Sababu mtaujua ukweli. Et la vérité vous affranchira. Na ukweli utawaweka huru. Nous connaîtrons la vérité. Tutaujua ukweli. Et la vérité nous affranchira. Na ukweli utatuweka huru. Alléluia. Amen. De par tout ce que nous sommes en train de partager, d'aucun se rendra compte que l'ennemi essaye d'opérer quelque part dans un terrain de sa vie. Parce qu'il arrive que nous avons dépassé les niveaux des emprises manifestes et visibles. Mais que nous soyons encore sous les coups des emprises sournoises. Lakini tungaliki chini ya utawala wa kisiri. C'est ce qui fait que beaucoup na, d'entre nous na hiyo ndio nafanya kwamba wengi kati yetu se rend compte wanagundua qui n'évolue pas. Ya kwamba hawaendelee. Mais quand ils s'analysent, lakini wanapojichunguza, ils trouvent les réponses suivantes. Wanapata majibu kama haya. Ils se disent, wanasema, je ne vole pas, si je ne tue pas, si je ne commets pas l'impudicité. Sifanye uzinifu. Mais pourquoi ceci? Lakini sababu pourquoi gani, ma vie est comme ça? Sababu gani maisha yangu yako namna hivi? Parce que tu attires ton attention seulement sur les choses visibles, les emprises visibles. Sababu uko tu natazama vitu vinavyoonekana, les emprises manifestes. Kutawaliwe ambayo inaonekana. Mais si tu pouvais demander au Saint-Esprit de t'aider. Lakini ungepaswa kumomba Roho Mtakatifu akusaidie. Et te rendre attentif. Na kufanya kuwa mwangalifu. Pour que ili kwamba tu reviennes dans les détails de ta vie. Urudie uingie kindani ndani ya maisha yako. Et que tu sois attentif. Na uwe mwangalifu. Pour commencer à te rendre compte. Ili uanze kuona ya kwamba. De qu'est-ce qui se passe réellement avec toi. Nini inayopitikana kikweli kweli pamoja nawe. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Ma prière. Ombi langu. Est que Dieu nous aide. Ni kwamba Mungu atusaidie. À vraiment devenir victorieux. Et devenir victorieux tuwe washindi na n'est kuwa pas mshindi. Simplement de vaincre l'impudicité. Haiko tu kushinda uzinifu. Tu ne tues pas. Hauwe. C'est déjà bien. Ni vizuri tayari. C'est une grande avancée. Inakuwa ni kusonga mbele kabisa mkubwa. Mais pourquoi tu n'arrives pas à prier? Lakini sababu gani haufikie kuomba? Tu ne mens pas. Haudanganye. C'est bon. Ni vizuri. Mais pourquoi les choses de Dieu ne t'intéressent pas suffisamment? Lakini sababu gani mambo ya Mungu hausiki nayo? Ceux qui te regardent de l'extérieur ont même l'impression que tu es saint. Wanafikiria kwamba wewe ni mtakatifu. Quand ils te regardent d'emblée ou globalement, wanapokutazama kwa ujumla, ils ont vraiment le sentiment que mwatawe. Wanakuwa na hisia ndani mwao ya kwamba heri wewe. Pasteur, viens un peu. Mchungaji kuja kidogo. Et viens aussi. Lui, c'est Dieu. Et ni Mungu. Enfin, entre guillemets. Hein? Ni kwa mfano tu. Asseyez-vous par là. Il est sur son trône. Na naketi kwenye kiti chake. Venez, venez, frère. Venez. Quelqu'un d'autre. Tébete, viens aussi. Venez par là. Par là. Alors, ses amis. Tournez-vous, vous cherchez Dieu, non? Awa Rafiki. Ils ont comme visé. aller vers l'intimité avec Dieu. Ils sont déjà dans la famille de Dieu. Ils sont enfants de Dieu. Ils sont déjà sauvés. Ils sont dedans. Mais ils ont comme intention chacun d'essayer de se rapprocher davantage de Dieu. Alors qui va faire le diable? Nani ambaye atakuwa mfano wa shetani? Il y a pas quelqu'un qui veut être diable. Hakuna mtu ambaye anahitaji kutoa mfano wa shetani hapa. Okay, il sera diable entre guillemets. Atakuwa shetani kwa mfano. On va prier pour lui pour qu'il ne le devienne pas. Na kisha tutamuombea siku ina. Okay, c'est entre guillemets, hein. Ni kwa mfano tu. C'est entre guillemets. Ni kwa mfano. Les amis, ils ont envie, en fait, et puis on va chez Dieu, c'est pas brutal, on ne court pas chez Dieu. Parce que c'est une affaire de conscience. Aller dans l'intimité avec Dieu, c'est pas mécanique. C'est une affaire de conscience, c'est profond, c'est on y va. C'est on y va. Et c'est sérieux, c'est profond. Et puis on est vigoureux, on y va. Mais il y a l'ennemi qui produit des influences sournoises. Essayons. Ce sont des influences sournoises. Yini mashawishi ya kisiri. Amen. Amen. On acclame Dieu. Tunashangilia Mungu. Regardez, observez ceci. Sasa chunguza hii. Quand les effluences sournoises viennent, et se répètent, ça produit un état. Vous développez l'habitude d'aller vers là où vous avez l'habitude d'aller. Écoutez-moi, prenez vos places. Si vous n'avez pas prié hier, kama hukuomba jana, parce que il y a quelque chose qui influence odisa aussi kisukumizi. Sababu kuna kisukumizi moja hiyo. Kisukumizi. Il y a eu hier une influence. Tena kulikuwa kisukumizi. Qui a fait que tu as dormi sans prier. Na kikaacha unalala bila kuomba. Et puis ce soir, na kisha jioni ya leo, l'influence là vient encore. Il a tene na hier, il y avait une raison. Sababu, tu as beaucoup travaillé. Sana. Et quand tu es rentré dans ta chambre, na uliporudi ndani ya chumba yako, tu as dit je me repose d'abord. Unasema napumzika kwanza. Même 15 minutes et hata puis je vais 15, après je vais prier. Na baadaye nitaomba. Est-ce que c'est une raison ou c'est comment vous trouvez cette raison là? Je ni sababu kabisa. OK. Et puis tu t'es allongé d'abord sur le lit. Na kisha ukajinyoosha kwenye kitanda. Mais ça fait déjà deux heures lakini tayari imekuwa saa mbili que tu es allongé et tu ronfles. Unalala kwenye kitanda na uko na ngorongo. Et puis ta femme vient, elle t'enlève les souliers. Na kisha mke wako anakuja na kutoa viatu. Elle t'enlève la chemise. Anakuondoa shati. Et puis elle te couvre. Na kisha anakufunika. Et on est demain. Na kesho nafika. OK. Sawa. C'était hier. Ilikuwa jana. Maintenant aujourd'hui ça arrive. Sasa leo inafika. Pour aujourd'hui c'est une autre raison. Leo inakuwa ni sababu nyingine. Pour aujourd'hui leo tu étais un peu nerveux. Ulikuwa unakwazika kidogo. Parce que les enfants t'ont trompé qu'ils ont payé les Minerval. Sababu watoto wamekudanganya kwamba umeshalipa rendu compte masomo que na kisha tu es allé à l'école, on t'a dit qu'il n'a pas encore payé. Na kisha unaenda shuleni unagundua kwamba uko nerveux aujourd'hui quoi. Ah, unakwazika kabisa. Et puis tu vas dormir. Na kisha unaenda lala. Tu dors carrément. Unalala. Le lendemain, kesho yake, c'est une autre chose. Inakuwa ni kitu kingine. Cette fois-ci, c'est ta femme. Marabe inakuwa ni mke wako. Elle n'a pas bien préparé. Hakupiga vizuri. Comme tu lui avais instruit. Jinsi ulivyomwambia. Tu espérais que je vais bien manger. Ulikuwa na ufikirio utakula vizuri. Et puis elle a fait des trucs bizarres où ça lui a échappé trop de sel, tout ça, tu t'es fâché. Na kisha kafanya vitu moja hivi ama ametia chumvi nyingi na kisha. Tu n'as pas aimé ça quoi. Na ukuipenda. Et tu rentres en chambre. Na unarudi ndani ya chumba. Tu dors carrément. Unajilalia yako. Les jours suivants. Siku ya kufuata. Il y a rien qui s'est produit. Hakuna kilichofanyika. Tu dors carrément. Unalala yako. Le septième jour. Siku ya saba. Il y a rien. Hakuna kitu. Tu dors simplement. Unajilalia yako. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini mepitikana? Tu es maintenant déjà dans une emprise. Umesha kuwa chini ya utawala fulani. Ça dit le diable vient de réussir à te décrocher de ces affaires de prière avant de dormir. Mbele ya kulala. De sorte que même demain matin, na hata kesho asubuhi, au réveil, kwa kuamka, dans un premier temps, tu dis à ta femme, tu peux prier, tu pries. Kwanza unaambia mke wako, elle prie. Anaomba. Le jour suivant, kesho yake, madame, tu peux prier. Mama, unaweza kuomba. Elle prie. Anaomba. Cinq jours. Siku tano. Tu ne dis rien. Hautasema tena kitu. Carrément tu vas te laver. Na unaenda jinawia yako. Et puis tu es parti au boulot. Na kisha umeenda kazini. Le huitième jour. Siku ya nane. Tu ne pries plus le matin aussi. Haombaki tena asubuhi. Ces influences. Visukumizi hivi. Installe un comportement. Installe une accoutumance. Tu vas avoir l'impression que c'est juste une habitude. Que bon, écoutez, ces derniers temps, je suis un peu habitué comme ça ces derniers temps. De toute façon, le mois passé, on avait le tournant décisif. J'ai fait beaucoup d'économies. J'ai fait des économies en prière. Est-ce qu'on fait des économies spirituelles? Je n'afanya ka uchumi ya kiro. Et tu as l'impression que c'est compréhensible. Dieu aussi là-haut, mais tu peux me comprendre. Na unaanza kufikiria kwamba inaweza kueleweka. Mungu uko juu, unaweza kunielewa. OK. Sawa. Tu ne sais pas. Haujui. Que lorsque ça a commencé, ya kwamba ilipoanza, il y avait des influences sournoises. Kulikuwa mashawishi ya kisiri. Sur ta vie spirituelle. Juu ya maisha yako ya kiroho. Et à force de réussite de ces influences là, na zidi yale mashawishi yalifaulu, l'emprise s'est installée. Utawala ukajiweka. Et ton cœur s'est incliné. Na moyo wako ukainama. Dans des choses qui sont contraires. Ndani ya vitu vilivyo kinyume. À ce que Dieu attend. Ya ile ambayo Mungu anangoja. Des choses contraires. Vitu vilivyo kinyume. À ta vie. Ya maisha yako. Le secret même. Siri. De ta réussite. Ya kufaulu kwako. Ce qui faisait que les démons avaient peur de toi. Iliacha kwamba mapepo wanakuogopa. Comme ils t'ont fait asseoir. Sisi wamekukalisha. Maintenant. Sasa. Ils commencent à attaquer les enfants. Wanaanza kuwashambulia watoto. Ces derniers temps, hii wakati, vraiment ba grippe, kuna kuwa ba malaria, homa, ba malaria, baridi, ba kile, Est-ce que vous me comprenez? Je m'unanielewa. Jésus a dit, Yesu kasema, si tu veux entrer dans la maison d'un homme fort, kama unahitaji kuingia ndani ya nyumba tu ligotes d'abord. Inaomba kwanza l'homme fort, ule mtu mwenye après, na baadaye, qui prendra ses biens. Utachukua mali yake. Et puis les enfants subissent des trucs drôles. Il y a des incidents qui les arrivent. Il y a des trucs. Tu essayes de commencer à reprendre la vie de prière, mais ça ne marche plus. Pourquoi ça ne marche plus? Parce qu'en fait, ce n'est pas innocent. Le diable a fait des affectations démoniaques sur toi. Tu voudrais bien te relever en prière, mais il y a une force qui est déjà installée pour te maintenir dans ce statu quo. Et le réflexe que tu vas avoir, c'est de courir à l'intercession. Vraiment, ces derniers temps à la maison, je ne comprends pas. Venez, venez nous aider à la maison. Et ils sont très gentils, ils viennent. Et ils prient. Mais ils prient pour qui? Pour les grippes, les maladies. Sauf pour l'homme fort de la maison qui est coincé dans un coin. Parce que comment vaut-il penser que toi tu as besoin de prière? Toi tu es l'homme fort. Et puis on te connaît bien à l'église. Tu as toujours été un homme spirituel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu as fait venir les intercesseurs. Parce que tu es spirituel. Ils ne se sont pas rendus compte que tu es déjà coincé dans un coin. Et puis ils terminent la veillée, ils repartent. Le soir, Gioni, ulishalala. Tu es déjà dormi. Léo, tu dis quoi na veillette? Léo, aujourd'hui on avait veillé. On avait une veillée. Est-ce que... Tu dis quoi na makesha? Il y a beaucoup, il y a la prière dans la maison. Kuna tu ronfles déjà. Na umanza kungoroma. Et tu penses que c'est normal? Na unafikiria kwamba ni kawaida. Mais c'est les influences en question qui avaient déjà commencé à opérer en toi et qui ont installé en toi un système de fonctionnement. Désormais, tu fonctionnes de cette manière-là. Et ça passe. Dans 6 mois, tu vas te surprendre en train d'apprécier la bouteille que tu as laissée il y a 8 ans. Ile, chupa ambayo uliacha kuna miaka saba. Tu l'as vu en passant. Uliona inapita. Tu es allé dans un supermarché pour acheter des trucs pour les enfants et la famille. Ukaenda ndani ya duka ili usije vitu. Et tu as aperçu la bouteille. Na unafurahia ile chupa. Et sans le savoir, na bila kujua, tu constates que tu as déjà mis ça aussi dans les paniers. Unagundua kwamba umeshaiweka nayo ndani ya kikapu. Quand tu arrives à la maison, unapofika nyumbani, ta femme te demande, mke wako anakuuliza, Baba, on t'a offert ça ou bien? Wamekupatia hii wala? Est-ce qu'on t'a offert ça? Je wamekupatia naye? Non. Hapana. Comment c'est devenu facile de récupérer la bouteille? Namna gani imegeuka rahisi kuchukua ile chupa? Parce que ce qui faisait ta force, sababu iliyokuwa nafanya nguvu yako, la vie spirituelle, ya maisha yako ya kiroho, qui était dans ton cœur, iliyokuwa moyoni mwako, est déjà limogé, imesha kuondolewa, y a plus rien, hakuna tena kitu. Ne t'étonne pas, usishangae, que en passant, unapopita, malheureusement, bahati mbaya, tu rencontres ton ancienne copine, unakuta ule habara yako wa zamani. Et qu'elle te salue. Na anapo kusalimu. Jambo papa. Bonjour papa. Et que tu te rends compte que tu as déjà prononcé des paroles que tu prononçais à ce temps-là. Unagundua umesha kusema yale maneno uliyokuwa unasema kwa wakati ule. Et s'il y a quelqu'un à côté, il s'étonne de toi. Na kama kuna mtu pembeni yako anakushangaa. Ou papa anakufa nini? C'est papa quoi? Anakufa nini? Il a quoi? Qu'est-ce qui lui est et arrivé? Et si tu es avec ta femme? Elle vient d'entendre des paroles ineffables. Na kama uko na mke wako amesikia maneno kabisa. Des paroles inadmissibles. Maneno ambayo hayawezi kubaliwa. Et quand on arrive à la maison, na wanapofika nyumbani, la guerre a déjà commencé. Vita imeanza tayari. Je vous ai dit, quand vous analysez votre souffrance, nimewaambia mnapochunguza mateso yenu, essayez de retrouver quelles sont les visées. Mupime kutazama ni nini shabaha. La deuxième action, quelles sont les visées de l'ennemi? Ni nini shabaha ya adui? Or l'ennemi, pour amener, t'amener à bouger ton foyer, il a commencé par les effluences. Sur quel terrain? Un terrain innocent. Enfin, un terrain sournois. Un terrain inaperçu. Le terrain de la prière. Il a souffleté ta vie de prière. Et quand il n'y avait plus de vie de prière, la bouteille est arrivée à la maison. Tu ne l'utilises pas tout le temps en fait. Hauitumiaki kila wakati. Mais c'est de temps à temps. Lakini ni mara kwa mara. C'est peut-être pour la beauté de la maison. Ama ni kwa ajili ya kupendeza nyumba. Tu vois, non? Pour la vitrine, ça s'appelle comme ça. Kuiweka ndani ya kabati. Ou le bar du salon. Kuiweka kwenye bar ya saloni. Mais bon, de toute façon, tu l'utilises même pas, c'est juste pour la beauté au salon. Hauitumiaki ni kwa ajili tu ya kupendeza saloni. Mais finalement, lakini kwa mwisho, tu es devenu fragile sur les attaques, pour les attaques du diable. Umeregea mbele ya mashambulizi ya shetani. Et finalement, na kwa mwisho, tu es devenu fragile dans ton foyer. Umeregea hata ndani ya jamaa yako. Et finalement, na kwa mwisho, ton foyer s'arrête. Unyumba wako unasimama. Où est-ce que ça a commencé? Il y a un ziawap. Dans les emprises, les effluences sournoises qui sont devenues des emprises sournoises et qui ont produit des effets comme des surprises. Et que, à la longue, finalement, il n'y a plus rien. Les enfants pleurent. Le mari est parti. Ou la maman est partie. Et quand elle part, nanapoenda, celui qui avait ses visées, ula aliyekuwa na shabaha yake, il dit, anasema, omonde nini? Unaona namna gani? Comme ta femme ne comprend pas. Récupère l'autre, non? Suwendo kachukua ule mwingine. Tu l'as vu, non? Tu l'as vu récemment, non? Sulimuona kunapita tu siku kidogo. Unakumbuka? Et tu commences à l'appeler. Na unaanza kumuita. Oh, chat, non, c'est juste chaté. Oh, tunaongea katu kwa chate. Ujumbe. Tunachati pamoja. Utashatilia. Hey. Je vous assure. Na wakikishia. Et à la fin. Na kwa mwisho. Elle commence à visiter les enfants. Anaanza kuwatembelea watoto. Et puis visite les enfants, et puis visite les enfants. Anawatembelea watoto. Et puis, récupère le foyer. Na kisha, anachukua unyumba. Je parle au papa, n'est-ce pas? Sinaongea na wababa. Est-ce que ce genre de choses vous arrive? Je vitu kama na hivi vinawafikia. Ce soir, jionyeleo, c'est le jour de votre délivrance. Ni siku ya ufungulivu wenu. Il est possible que tu es encore au début du processus. Inawezekana ungali kwa mwanzo wa hii hatua. Pour certains, ils sont déjà très avancés dans le processus maléfique en question. Là où tu es déjà dans le processus, arrête-toi à ce niveau-là. Ressaisis-toi. Relève-toi. Combat. Et libère et retrouve ta vraie vie spirituelle. Regardez dans le ministère. Tu es serviteur de Dieu. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Est-ce que le diable a peur des serviteurs de Dieu? Est-ce qu'il a honte d'eux? Non. Il essaye et exerce ses efforts sur tout le monde. Anapima na anajikaza mbele ya watu wote. Tout le monde. Watu wote. C'est pour ça que je vous ai enseigné la fois passée sur comment mener une vie attentive. Namna gani kuishi maisha ya umakini. Parce que si tu n'es pas attentif dans ta vie, sababu kama hauko makini maisha l'ennemi mwako, va t'attraper sans que tu le saches. Adui atakushika bila tu ne te rendras pas compte na hautagundua qu'il est déjà dans ta maison. Ya kwamba ameshafika ndani ya nyumba yako. Il est peut-être arrivé au salon. Sasa mmoja amefika kwenye salon. Il est déjà dans la chambre. Ameshaingia ndani ya chumba. Et il a pris le contrôle de ta maison. Na amechukua utawala wa nyumba yako. Tu es serviteur de Dieu. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Et l'ennemi te dit. Na tu wanakuambia. Tu as trop travaillé ces derniers temps. Ah, umetumika sana hizi masiku. Est-ce que c'est faux? Je ni uongo basi. Non, mais c'est vrai vraiment. Ni kweli kabisa. On a eu trois jours de jeûne à sec. Tumefunga mafungo ya siku tatu bila kula na kunywa. On a fait une croisade. Tumefanya mkutano kwa grâce sondable. On a prêché pendant deux semaines. On a guéri les malades. On a conseillé. Il y avait des entretiens du matin au soir. On a travaillé. Tumetumika kabisa. Et l'ennemi vient. Na adui anakuja. Et il te félicite. Na nakupatia pongezi. Il te dit tu as vraiment travaillé. Nakwambia umetumika kabisa. Tu es vraiment un homme de Dieu. Wewe ni mtu wa Mungu kabisa. Faites attention, serviteur de Dieu. Fanya ngalisho watumishi wa Mungu. Quelquefois même les congratulations après le service. Mara hata hii mapongezi kisha huduma. Il faut faire attention. Mufanye angalisho. Parce que tu as bien prêché aujourd'hui, oh, vraiment. Aujourd'hui on est béni. Leo vizuri tumebarikiwa. Ok. Sawa. Ne fais pas beaucoup attention à ça. Usiangalie hiyo sana. Qui sait? Nani anajua? Si hii ni influence dedans. Kama umo mna kisukumizi ndani. No. Aujourd'hui sinon. Ah, bana. Leo. Vraiment. Leo kabisa. Et puis on a ce qui est assez. En fait. Tu peux même commencer à répondre, tu dis, mais tu ne sais pas comment j'en ai souffert. Na unaanza kujibu unasema hujui namna gani nimeteseka. En fait, j'ai fait un jeûne à sec. Nimefanya mafungo. Tu commences à te vanter. Unaanza kujitapa. Pour lui prouver que en fait, je mérite ça. Ili umuonyeshe kwamba nastahili kabisa, na istahili. J'ai beaucoup travaillé. Nimetumika sana. Bientôt. Hapo usoni hapo. Tu as beaucoup travaillé. Umetumika sana. Et donc, il faut se reposer. Est-ce que se reposer, c'est un péché? Non. Mais quel est le contenu de ton repos? Tu te reposes comment? On peut dire, je vais voyager, je vais à la plage. On peut dire, Ah, unajitandika kwenye jua. Seigneur, tu me récompenses du grand travail que j'ai fait. Bwana unanilipa kupitia kazi kubwa niliyoifanya. Tu n'es pas en train de te rendre compte. Hauko nagundua. Que l'influence qui est en train de venir. Ya kwamba ou le processus dans lequel tu te trouves. Ambao iko nakuja na hii hatua ambayo uko ndani. Consiste à. Inakuwa qu'est-ce que Satan vise? Shetani iko nafuatilia nini? Il est en train de t'amener iko na kupeleka à te rendre compte que tu es très important. Ugundue ya kwamba wewe ni wa muhimu sana. Tu es un grand serviteur de Dieu. Wewe ni mtumishi mkubwa. Nous les grands serviteurs nous méritons ça. Sisi watumishi wakubwa tunastahili hii. Munitie kakuku pale. Amene mwae mpulela ba. Tia kuku pale. Mete le pulela ba. Et puis en fait, nous sommes des grands serviteurs de Dieu. C'est ni watu mishwa kubwa wa Mungu. Musogeye. Ah, serait de l'autre côté. Et le protocole vient, il prend ta Bible. Na protocole anakuja anatoa Biblia yako. Na kubebea. On va porter ta Bible. Tu es devenu important quoi. Umekuwa kabisa wa muhimu sana. Mkongo uko natembea. Et toi aussi tu viens derrière le dos du protocole. Mtumishi mkubwa amefika. Tu as la Bible pale. Et on met ta Bible là-bas, la dépose là-bas. Et quand tu veux prêcher, tu prends la Bible, tu montes. Na wakati unatafuta kuhubiri unachukua Biblia. Mais après ça devient tellement agréable. Na inakuwa vizuri sana. Et demain, ce n'est plus toi. Haiko tena wewe. Tu appelles le protocole, prenez la Bible, mettez à la chaire. Protocole litoa la Bible apeleka kwenye madhabahu. Le protocole vient prendre la Bible. Protocole anachukua Biblia. Ils amènent. Na wanapeleka kwenye madhabahu. Ils amènent. Na wanapeleka. Et toi, tu apparais le grand homme de Dieu. Na wewe unatokea sasa mtu mkubwa wa Mungu. Et de feu. Anajaa uwezo na moto. Na unahubiri. Tu ouvres. Unafungua. Probablement demain tu diras au protocole ouvre. Na kesho utaambia protocole ifungue Biblia. Quelle était le visée de l'ennemi au départ? Sabaya adui mwanzoni ilikuwa nini? C'était sournois en fait. Ilikuwa tu ni kisirisiri. Si on me prend la Bible là, est-ce que c'est un péché? Si wananibebea Biblia jeni zambi basi. Mais faites attention aux visées. Lakini mufanye angalizo. Je vous ai dit, nous évaluons l'emprise. Tunachunguza. Et nous évaluons quelle est la visée du diable. Na tunachunguza. C'est-à-dire dans chaque chose qui se passe avec toi. Ni kusema kupitia kila kitu kinachopitikana pamoja nawe tuulize swali. Est-ce que l'ennemi serait en train de viser dans ça? Shetani yuko nafuatilia nini ndani ya hii? Dans le ministère. Ndani ya huduma. Tu peux observer que depuis 6 mois, les enfants de Dieu qui viennent te voir au bureau, c'est seulement les femmes. Avez-vous déjà observé ça? Les frères n'ont pas de problème. C'est toujours les mamans, les femmes, les sœurs. Ce sont elles qui ont des problèmes. Et tu peux prendre plaisir à ça. Tu commences à entrer dans les profondeurs, dans les entretiens. Tu poses des questions intimes. Unaanza kuangalia vitu vya kisiri. Ce processus amène où? Hii hatua hii iko na kupeleka wapi? Je suis serviteur de Dieu, non? Mimi ni mtumishi wa Mungu. Je suis rempli du Saint-Esprit. Jazo na Roho Mtakatifu, nena kwa lugha. Sawa. Ok. Mais demain encore. Lakini kesho pia. Et puis ça fait 8 mois. Lakini sasa inakuwa miezi nane. C'est seulement les sœurs qui ont des problèmes. Je ni wadada tu ndio wana shida. Mais rentre à prier, pose la question à Dieu, Seigneur. Mungu swali Bwana. Qu'est-ce qui se passe dans mon église? Nini napitikana kanisani mwangu? Est-ce que c'est seulement les sœurs qui ont des problèmes? Je ni wadada tu ndio wana shida. Où sont partis les frères? Wandugu wameendea wapi? Où sont les papas? Wababa wameendea wapi? Et ils n'ont pas de problème. Je wao hawana shida. Qu'est-ce qui se passe? Nini napitikana? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'essaie de vous expliquer ce que c'est que les emprises sournoises. Niko napima kuwafasiria ni nini hiyo kwa kisiri. Nitamalizia nikisema. Nous devons mener une vie attentive. Tunapaswa kuishi maisha. Dites avec moi vie attentive. Sema pamoja nami maisha ya umakini. Dis au voisin tu dois être attentif. Ambia jirani unapaswa kuwa makini. Compliments za bure bure za kila mara za kila wakati hata. Kupongeza kila wakati. Hii compliments zako hizi mbona zinakuwa mingi? Te compliments la base. Ça n'est trop. Bwana sifiwe. Amen. On est en train de vous remettre l'invitation. Wako wanapatia mariko. C'est arrivé en retard. Zimechelewa. Alléluia. Amen. Faites un effort de donner ça à quelqu'un. Ce n'est pas pour toi pour enrichir la Bible. Ce n'est pas pour remplir le stock. Donne ça à quelqu'un, invite quelqu'un. Alléluia. Amen. Je disais, ces phénomènes sournois, c'est le plus dangereux dans la vie chrétienne. C'est le plus dangereux dans la marche chrétienne. Parce qu'on se rend compte plus tard quand les dégâts sont déjà là ou quand on est déjà érodé. Quand on est déjà la vie spirituelle, votre être spirituel est déjà érodé. Tu es dans une érosion, c'est fini pour toi. Wakati maisha yako ya kiroho yameporomoka tayari. Bwana sifiwe. Amen. Alors nous avons dit, tumesema, que si tu es attentif, tu vas te rendre compte de ces influences dès le départ et tu vas t'en sortir. Tumesema kwamba kama wewe ni mwangalifu utakutoa. Si tu n'es pas attentif, tu vas continuer à naviguer comme si c'était normal dans ces influences jusqu'à arriver à des situations insupportables et graves. Na kama huko mwangalifu utaendelea tu kuogelea ndani na utafikia hali zilizo ngumu na za hatari. Quand ces influences perdurent, na wakati mashawishi haya yanadumu, elles installent une ligne de conduite. Elles installent une habitude, un comportement. Zinaleta ndani mwako mwenendo. Et c'est ce comportement na ni mwenendo huo qui va faire ambao utafanya kwamba que les gens qui sont extérieurs de toi vont commencer à te lire. Wataanza kukuona. Et à exprimer ce que nous avons commencé à exprimer. Na kuonyesha ile ambayo la première nous avons parlé hier, tumezungumzia jana la bassesse morale. Upumbavu wa kimaadili. Comme la manifestation ambayo inakuwa ni kuonekana de l'emprise sournoise. Kwa kutawaliwa kisiri. Personne n'a décidé. Hakuna ambaye ameamua de vivre une bassesse. Kuishi upumbavu. Si tu poses la question dans la salle, ukiuliza swali ndani ya on a l'impression que toi tu vis vraiment dans la bassesse. Watu wanafikiria kama wewe unaishi kabisa ndani ya upumbavu. Quand est-ce que tu avais décidé de commencer à vivre comme ça? Wakati gani uliamua kuanza kuishi hivyo? Il ne sait même pas. Hawezi kujua. Il est dans la bassesse. Ya kwamba iko ndani ya upumbavu. C'est pourquoi Paul disant, parlant aux Éphésiens dit, Éphésiens 4, 17 et suivant, voici ce que je dis et ce que je déclare devant le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher selon les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Pourquoi tu parles comme ça, Paul? Parce que j'observe que parmi vous les chrétiens, il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils vivent selon la vanité de leur intelligence. Mais c'est leur tierce personne. Les autres personnes arrive à observer que vraiment tu es très vaniteux. Mais toi-même tu ne sais pas. La vanité de leur intelligence. Et ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sentiment. Ils ont perdu tout sentiment. Est-ce qu'ils savent? Ils ne savent pas. Pour se livrer à toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Et il ajoute, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. C'est-à-dire, ce que votre vie devrait être en tant que chrétien, ce n'est pas une vie de bassesse comme on voit chez toi. Amen. Amina. La deuxième manifestation. Na kuonekana kwa pili. Nous continuons maintenant. Tunaendelea sasa. La misère intérieure. Inakuwa ni kuteseka kwa ndani. La misère intérieure. Kuteseka kwa ndani. Dans 1 Samuel chapitre 16, 13, on nous parle de l'histoire d'Amnon. Vous pouvez lire du premier jusqu'au à la fin. Amnon, c'est un fils de David. Et puis un jour, il a un coup de foudre pour sa sœur. Il parle à son ami. Son ami lui dit, petit problème. Tu fais les malades. Ujifanye kama unagonjwa. Et puis tu es malade à la maison. Na kisha unagonjwa unalala nyumbani. Et puis tu dis à ton père. Na kisha unamwambia baba yako. Voyez, comment vraiment les gens, c'est la misère même quoi. Inakuwa ni kuteseka kabisa. Et puis il fait appel à son père David, le roi. Vous dites, je suis malade. Envoyez-moi ma sœur Tamar pour me faire un gâteau. Est-ce que Tamar n'y en a coupé guillac? Est-ce que c'est Tamar qui prépare pour toi? Et puis innocemment, la sœur vient, elle fait le gâteau. Quand le gâteau est cuit, le garçon dit non, non, tout le monde part, sortez. Je vais moussi ni déranger Nata Kula. Il ne faut pas que vous me dérangez, il faut que je mange ici. Mutani punja ku gâteau yango. Vous allez prendre mon gâteau. Et puis après, il veut violer la sœur. Et la sœur lui dit, mon frère, ce genre de choses ne se font pas en Israël. Tu tu veux être infâme. Unatafuta kuwa mtu wa kufanya kibaya ya namna hivi. Infâme. Kitu kibaya namna hivi. Et comment moi-même je vais devenir infâme? Na namna gani mimi mwenyewe nitakuwa? Qu'est-ce que nous allons devenir? Ça c'est une infamie. Hii inakuwa kabisa ni kitu ambacho hakiruhusiwi. Pourquoi je parle misère intérieure? Sababu gani nazungumzia kuteseka kwa ndani? Si vous lisez l'histoire. Mkisoma historia. Depuis là où ça a commencé. Tangu mahali ilipoanzia. À l'acte. Mpaka kwa tendo. Et puis après avoir violé sa sœur, il est écrit, imanikwa, il la haït comme akamuchukia sana. À quoi ressemble l'intérieur de ces garçons? Ndani ya mtu, c'est plus que de la bassesse. Inakuwa zaidi ya ujinga. C'est pourquoi j'appelle ça une misère intérieure. C'est la misère quoi. Nikuteseka ole ya ndani. Comment tu n'es pas arrivé à te rendre compte? Au départ, de la tentation. Au départ, de ce que tu ressens. Comment tu n'es pas rendu compte que c'est ta sœur? Et puis, dans tous ces parcours-là, comment tu ne te rends pas compte? Comment tu ne te ressaisis pas? Et il poursuit jusqu'à accomplir la bêtise. Et puis après, il hait la sœur. Et la sœur sort. Elle va pleurer sa virginité. Elle va faire le deuil. Un cœur comme ça, c'est de la misère intérieure. Beaucoup de gens, vous pouvez les observer dans la vie. Vous pouvez trouver une personne correcte. Mais vous le retrouvez dans des choses où vous vous dites l'intérieur de cette personne est comment? Comment est le cœur de cette personne? Regardez un papa qui malmène sa famille. Quelle misère! Mateso gani? Dans son système de fonctionnement. Il est si fort pour être capable de faire dormir ses enfants sans manger. Alors qu'il a eu son salaire hier. Simplement, il n'aime plus sa femme. Il a été attrapé par une fille quelque part. Et les enfants crèvent. Et ils se fâchent contre eux. Et disent si je ne veux plus vous faire scolariser. Quelle misère dans le cœur d'un homme comme ça. Qui t'a dit de nous mettre au monde? Qui t'a envoyé? Et puis comment tu ne te ressaisis pas? Parce que la tentation peut arriver. Mais attention. Mais comment? Ton cœur est comment? Et il fait comme ça 6 mois. La maman doit clochardiser pour essayer de faire étudier les enfants. Maman pour essayer de couper les herbes. Elle part dans les quartiers, elle coupe des herbes quelque part. Elle vient, elle bouillit les herbes, les enfants. Elle essaie d'attraper un mourongo chez un voisin. Et puis ça fait 3 ans. Et quand vous entendez ce genre de choses, on vous dit, et le mari, il est dans la ville. C'est vraiment dans la ville. Mais que ton cœur est comment? Tu viens d'où? De l'enfer ou bien? Comment ton cœur est comme ça? Comment tu arrives à réussir des choses pareilles? La misère intérieure. Allez le regarder là où il se trouve. Il suffit qu'on lui dise Lipapa. Il s'y perd et à Moupia, il y a 150. C'est le nouveau super qui coûte 150 dollars, il donne. unijenge kanyumba alishen kukopesha anakopesha ba ku bank deni ya kujengea va chercher un crédit à la banque pour construire la maison et ses enfants crèvent. Na watoto wake wanateseka. C'est quel genre de cœur comme ça? Ni roga ni kama na hii. Misère. Olé. Ce soir, sors de cette misère. Jionele, et toi qui m'écoutes là dans ta maison, je te conseille de sortir de cette misère. Viens à la source. Le Seigneur Jésus est capable de t'aider. Et puis tes enfants, ils ont honte dans la société. Et ta femme a honte. Quand elle doit aller chez les voisins. Quand les enfants les chassent tous les jours. Et ils savent que papa est au boulot. On lui paye $1,000. Et nous, on ne sait pas étudier. Quelle misère. Mais posez la question à cet homme-là. Est-ce qu'un jour il s'est assis, s'est levé pour dire aujourd'hui je décide d'avoir une misère intérieure? Non. Il n'a jamais décidé. Il ne voulait même pas ça. En fait, ce qu'il est en train de vivre. Si tu le remets un peu, tu le fais asseoir, tu vas te rendre compte que ça ne l'arrange même pas lui aussi. Il est devenu esclave. Il est en prison. Il est dans un filet des oiseleurs. On le malmène. Chez lui, on était en train de les souffléter. C'est lui qu'on est en train de souffléter. C'est lui qui est en train de dorloter maintenant la sœur. C'est lui qui est en train de dorloter la sœur. Inversion des valeurs. Il n'a qu'à ni kupinduliwa kwa vitu kwa tabia nzuri. Kupindukia. Pinduliwa. Inversion quoi. Il n'a qu'à kupinduliwa kwa tabia nzuri. On marche sur lui. Wanatembea juu yake. Il est écrasé. Anavunjwa huko. Haizi kohola. Il ne peut même pas tousser. Et quelquefois, la femme là, elle lui dit, Sourudie kwako. Rentre chez toi. Quand elle l'a malmené suffisamment, elle a, vous voyez, le sceptre de la méchanceté. Fimbo ya wof. Vous voyez ça? Non, le sceptre, la dame là, elle a appuyé sur le sceptre de la méchanceté. Elle a maîtrisé, puis elle lui dit, Sourudie kwako. Rentre chez toi. Misère intérieure. Monsieur ne sait pas rentrer chez lui. Et puis si je rentre, comment je vais donner des explications pour toutes les souffrances que je leur ai faites? Misère intérieure. Rentre quand même. Là-bas on t'aime. Ici on t'aime pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok, essayons d'avancer. Je disais misère intérieure. Troisièmement, le manque de perspectives importantes. C'est souvent des choses sournoises. C'est-à-dire, tu vas te rendre compte que pour toi, en fait, tu n'as pas d'objectif dans la vie. Tu n'as pas de perspectives importantes. Même quand tu peux avoir de l'argent, il n'y a pas de choses importantes qui te viennent à l'esprit. Ou alors, des idées importantes viennent, mais l'ennemi là, anakuya kupulizia ima idea bien. L'ennemi vient souffler. Il est en train de te pousser. Il te pousse quoi? La bonne idée est ici, mais il te bouscule. Jusqu'à ce que tu attrapes l'idée qui est bête. Et ceux qui te regardent de l'extérieur constatent que dans ta vie, il n'y a pas de perspective importante. Tu peux attraper de l'argent. Unaweza kupata pesa. Et puis ce sont des fêtes qui commencent. Na kisa ni karamu ndizo zinaanza. Avec les amis. Pamoja na marafiki. Tu vois ces amis là, ils m'ont beaucoup aidé quand nous étions jeunes. Unaona wale warafiki walinisaidia sana tulipokuwa vijana. Comme maintenant je suis béni. Na jinsi nimebarikiwa. J'ai invité les amis et tukua na tupiga balle quand on était mu quartier, kwa hii balle ya mayani ya migomba hii, tukua na piga nabo balle. Na tulikuwa tu Et puis on organise une fête pour les anciens collègues de football. Il y a Bisika, il y a Mayani ya Mgombo. Est-ce que c'est un objectif ça? Et la fête a coûté $300. Mais tu as combien d'argent en réalité? Non, il faut que les quand même on a eu des bons souvenirs quand on était là, on s'est souvenir. On s'est rappelé. L'autre fois c'est moi qui avais buté et puis on a discuté. Non, c'est moi qui t'avais donné la passe. Vous parlez de quoi même? Quelle est la valeur de votre des choses ici? Vous êtes dans quoi là? Non, mini, on a coupé les cycles, on a coupé passe. Qui s'est buté? Et puis tu as buté. Il y a 15 ans. Kuna miaka 15. Quand on était enfant. Wakati tulikuwa tungali watoto. Perspective. Mitazamo. Faire de la joie aux amis, benye tupigana bo bali sa tukwa watoto. Kufurahisha watoto, kufurahisha watoto. Mais pose lui la question. Ulisha uza ka parcelle. Et si on te demande. Non, ndauza tout ça saivi. Est-ce que tu as déjà acheté la parcelle? Ça saivi tout ndauza. Je vais rester ici, d'ici là. Et prochainement, tu attrapes l'argent. C'est encore un truc drôle qui vient à ton esprit. Alors que ta femme t'a interpellé pour dire attention, on n'ira pas loin. On dit au maman, oui, maman, j'ai écouté, j'ai compris. Et quand la bénédiction prochaine arrive, il est qui soukoumise tu n'as couya. Cette influence arrive encore. Il a coup, il a tout. Ça vient encore. Tu n'as pas d'objectif important. Hauna shabaha ya maana. Écoutez-moi bien. Mnisikilize vizuri. Il n'y a que les objectifs importants. Ni shabaha tu za maana. Qui nous permettent de gérer notre revenu avec sérieux. Tuweze kuchunga mapato yetu pamoja na akili. Les gens qui ont des perspectives élevées, vous allez vous fâcher contre eux. Parce que même quand tu viens lui demander un $5, il dit non, bon, je vais prier pour toi. Il est coincé dans un objectif important. Il doit réaliser ça. Mais ceux qui n'ont pas d'objectif important, quelquefois ils paraissent gentils, sont libéraux. Mara wanaonekana wazuri. Papa Bonheur. Atakupa tout. Anakupatia kadu. Non, ule no, aza maboko pete. Kabisa yeye ni Papa Bonheur. Écoutez, si tu aimes cet homme de maboko pete, kama unapendaka wale wa Papa Bonheur, réserve-toi aussi quelquefois d'aller lui demander. Na usikue na enda muombe. Comme il est maboko pete, en réalité il t'a toujours donné tout. Kwa kweli na kupatia kayote. Et il a 52 ans maintenant. Na sasa amekona miaka 15. En train de donner tout. Akipanaka tu yote. Et ses enfants quand ils regardent. Na watoto wake wanapoona. Et qui parle entre eux les autres enfants. Na wanapoongea pamoja nao watoto. Oh, tulienda kutengeneza parcelle yetu. On est parti pour arranger notre parcelle. Et puis ton enfant lui. Na kisha mtoto wako yeye. On n'a même pas de parcelle à arranger. Hatuna hata na. Hata kwenda Kongola mumayani. Ila kuongoa ndani mayani haikwata. Tu n'as pas d'objectif important. C'est pour ça que la gestion de ton revenu est fragile et précaire. Il n'y a pas quelque chose qui te défie. Bwana sifiwe. Amina. Ensuite, le manque d'objectifs ou de perspectives éternelles. Kukosa mashabaha za kimilele. Vous pouvez prendre pour les perspectives importantes de Chroniques 10, 13 et suivant, c'est l'affaire qui parle d'Amnon, le fils de Salomon. Voyez Salomon, grand roi, Malheureusement, il s'est fait remplacer par un fils qui ne voit pas grand, qui n'a pas d'objectif important. Les anciens lui disent, ton père nous a vraiment écrasés. Toi, allège notre situation. Et tous ces peuples que tu vois là, ils seront tes esclaves. On va te servir avec joie. Na watu wanamwambia sisi sote tutakuwa watumwa wako tutakutumikia vizuri kama unapunguza ile ambayo baba yako alikuwa anatulipisha. Na huyu kijana anasema Donnez-moi 3 jours. Mnipatie siku 3. Dans les 3 jours il va consulter les jeunes gens avec qui il jouait au foot. Na kwa siku hizi 3 ataenda kuwachunguza watu watoto ambao alikuwa anacheza pamoja nao. Et les jeunes gens lui disent Na wale C'est notre tour. Watoto wanamwambia hii ni wakati wetu. Faut pas écouter ces vieux là. Ayombe kuwasikiliza wale wazee. Il n'y a rien d'important dans ton cœur petit. Les vieillards viennent te donner des conseils qui peuvent t'aider à rendre le pays important et au pouvoir à être important. Ils t'ont donné une perspective importante. Mais il revient le troisième jour, il dit à la population entière. Mon père vous a châtié avec le fouet, le scorpion. Mon petit doigt est plus gros que le rein de mon père. Je vais vous maîtriser. Et les vieillards et le peuple disent, quel part avons-nous avec David? Grand-père, c'est celui-ci que tu nous as laissé. La Bible dit, tous se sont levés, ils sont partis. La Bible nasema kwamba wakasimama wote wakajendea. Et c'était le déclenchement de la scission d'Israël. Na hii ndio ilikuwa mwanzo wa kugawanyika kwa Israeli. Royaume du Nord et royaume du Sud. Ukakuwa falme la Ce petit roi qui n'a pas d'objectif important. Ukijana ambaye hana mitazamo zamana. Dieu a tranché. Mungu aka, et lui a laissé deux tribus. Akaamua na kacha. Donc hivi hawa hauna akili. Akamwachia tu kabila. Hawezi ongoza batu yote. Kwa mtu atina pa intelligence. Bakia uongoze kabila mbili. Tout le monde, tu vas seulement gouverner deux tribus. Et les 10 tribus sont parties. Na zile kabila zingine 10 zikaenda. Et un roi s'est présenté, c'était Jéroboam. Na kuna mfalme mwingine Jéroboam ambaye alikuja. Le manque de perspective importante est très dangereux. Kukosa mitazamo ya maana ce n'est pas seulement dans le ministère. Vous voyez même dans le ministère. Il faut des objectifs importants. Pourquoi certains serviteurs commencent à marcher sur les chrétiens pour prouver la puissance? Comment les gens commencent à se permettre des choses? Parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont déjà au sommet. Ils ne se rendent pas compte que le monde est encore en train de se perdre. Et qu'il y a les milliards qui sont candidats à l'enfer aujourd'hui sont plus nombreux. Selon les statistiques, il n'y a qu'environ 2 milliards chrétiens. Et puis chrétiens nominaux. Ça dit ceux qui vont dans les églises. Si on est 8 milliards, concluez simplement. Et quand vous arrivez à avoir une petite église de 2000 membres, de 5000 membres, na quoi ça ulishafika? Na kanisa watu 2500 umefika, le travail est déjà fini. Nous à l'arche. Sisi kwenye kanisa. Tu vois nous à l'arche. Je n'aime pas ces phrases là. Sipendake misemo kama na ile. Est-ce que vous me comprenez? Je mnanisikia? Vous voyez nous à l'arche. Unaona sisi kwa kanisa letu. Comme l'église a déjà grandi. Quelle grandit? Kanisa mesha koma, ni kukoma namna gani? Grandit? Kukoma. Jo grandi gani? Ça c'est quelle grandeur? Il y a plus de 6 milliards. Kuna karibu ni watu 6 parmi lesquels bilioni 6. Ils sont à Goma. Ambamo miongoni mwao wamoja wako Goma. Wako Goma. Même si nous avons des églises nominales, hata kama tuna makanisa ya jina, on peut dire à Goma il y a 500 églises. Tunaweza kusema pa Goma kuna makanisa 500. Ndio. Mais comptons le nombre de gens qui sont dans les 500 églises. Lakini tuhesabu watu ambao wako ndani ya yale makanisa. Et comptons le nombre des gens qui sont à la vallée de l'ombre de la mort et ceux qui sont dans les maisons et ceux qui s'en foutent. Na tuhesabu hesabu ya watu ambao wako kwenye bonde la uvuli wa mauti na wale ambao wako ndani ya manyumba na wale ambao hawahangaiki. Wa Kristo hawako wengi. Et Dieu dit, qui enverrai-je? Na Mungu anasema nitamtuma nani? Et qui ira pour nous? Nani ataenda kwa niaba yetu? Et les serviteurs de Dieu, les ouvriers, nous sommes ici. Na watumishi wa Mungu. Où sont les objectifs importants? Mashabaha ya maana yako wapi? Objectif important. Shabaha za maana. Nous passons nos semaines dans quoi de vraiment important? Wiki zetu tunazipitisha nini ndani ya nini ya maana? Nous passons nos années dans quoi qui est vraiment important. Et qu'est-ce qui est important? Est-ce avoir ma petite parcelle? Na kanyumba? Avec une maisonnette? Ah, on a tout nyumba? Ou bien avec plusieurs maisons? J'en ai déjà 3, 4, 5. Nimesha kuwa na nyumba 3, 4, 5. C'est ça, ça c'est important. Et si Jésus revient? Na kama Yesu anarudi. Qui va monter avec sa maison? Nani ambaye atapanda na nyumba yake? Allô? Allô? Avez-vous déjà pensé à ça? Meshafikiria hii. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam Yesu amefika. Parapanda nalia tuna Yesu anafika tunaenda. Yesu amefika. Jésus est arrivé. Et puis nous levons la tête, on est parti. Na kisha tunanyanyua kichwa tu tunaenda. Elle le certificat de la parcelle. On est parti avec. Tunaenda pamoja na la Bible dit nous serons changés. Biblia inasema tutabadilishwa. Et puis on est changé et puis on est parti. Tunageuzwa na tunaenda. La Bible dit on est clair d'œil. Na Biblia inasema on sonne la trompette. Kwa sauti ya baragumu. À quel moment on a le temps d'aller récupérer le certificat? Tuna wakati gani ya kwenda kutoa ile kitambulisho kuonyesha kwamba tuko na kiwango? Ou de courir à banque. Ama kukimbia kwenye benki. Et récupérer un peu d'argent. Na kutoa pesa. On peut se dire je vais aller dans cito en mbinguni. Et puis tu dis je vais aller offrir ça au ciel. Comment on va voir Jésus fara fara et d'ampelekea? Ndisi tutaona Yesu macho kwa macho nitampelekea huko mbinguni. Il faut mupelekea sahi. Il faut lui donner l'offrande aujourd'hui. On donne à Jésus maintenant. Unampatia Yesu sasa. La trompette sonne. Wakati l'argent qu'on n'a pas encore donné, on donnera plus. Et dire, il n'en a pas besoin. Je vous ai expliqué dans le passé que tout ce que nous donnons ici sur la terre, ce que nous donnons à l'église, ce que nous donnons à l'œuvre de Dieu, c'est comme l'argent que tu amènes dans Soficom pour transférer ça dans ton autre compte. Qui est là-haut. On pourrait dire, écoutez-moi bien, et puis nous allons finir. On pourrait dire, la réalité des offrandes, c'est que nous donnons les offrandes à nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez ça? Sadaka on a toaka, on a jipatiaka njo. L'offrande que tu donnes, c'est à toi-même que tu parce les donnes. Parce que tu transfères ça dans ton compte au ciel. Sababu unakuwa unaituma ndani ya account yako mbinguni. Quelquefois les gens sont orgueilleux, moi mukanisa mimi natoaka sana. Mara watu wanakuwa na kiburi wanasema moi j'offre beaucoup à l'église. Même quand tu toa sana. Même lorsque tu offres beaucoup. En réalité, kwa kweli, tu as toa sana à toi-même. Umejitolea wewe mwenyewe sana. C'est pourquoi c'est mieux à kutoa sana. Na ndio maana ni vizuri kutoa sana. Parce que kuna jitolea njo wewe sana. Parce que tu es en train d'offrir à toi-même beaucoup. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je nimeongea na mtu. Terminons ce point et puis nous prions. Tumalize nukta hii na kisha tutaomba. Je disais le manque de perspective éternelle. Nilikuwa nasema kukosa mitazamo ya milele. Comme manifestation. Kama kuonekana. De l'emprise sournoise. Ya hii kutawaliwa kisiri. Dieu dit à Jérémie. Mungu anamwambia Yeremia. Dans Jérémie 2, 13 et suivant. Ndani ya Yeremia 2, 13. Il dit mon peuple a commis un double péché. Anasema taifa langu amefanya dhambi mbili. Regardez ça avec moi et puis on va se lever. Itazama pamoja nami na kisha tutasimama. On peut se lever en lisant cela. Tunaweza kusimama. Jérémie chapitre 2. Yeremia sura 2. Bwana sifiwe. Amen. à partir du verset 11. Aide ton voisin à se lever. Parce qu'on démarre la prière. Et demain, nous allons prier pour les malades, nous allons prier pour beaucoup de cas. Alléluia. On peut y aller, verset 11. 1, 2, 3. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoi qu'il ne soit pas des dieux, et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours? Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Bonne Sifiwe. Amen. Vous étiez en train de lire? Mulikuwa nasoma. Je peux vous attendre? Naweza kuwasikia. On peut lire à haute voix, s'il vous plaît. Naweza kusoma kwa sauti kubwa tafadhali. Verset 11. Shaili la 11. Jusque là, jusqu'à 13, mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ils ont changé leur gloire à ce qui est rien. Vous voyez les perspectives? Quand il y a Dieu, tu as les garanties pour cette vie sur la terre et pour la vie éternelle. Quand tu te tournes à d'autres dieux, tu rates la partie vie éternelle. Tu te limites à ce que le Dieu sur qui tu t'es tourné est capable de t'offrir. Or, les autres dieux ne sont pas opérationnels après cette vie. J'ai dit, les autres dieux ne seront pas opérationnels après cette vie. Même Satan ne sera pas opérationnel après cette vie. Il sera en affaire. Et Dieu dit, vous avez commis un double péché. Vous m'abandonnez, moi qui suis votre espérance éternelle. Et puis, grave, vous me connaissiez, vous saviez que j'avais le meilleur pour vous. Vous allez vous coincer dans des trucs qui ne valent rien. Et le psalmiste se dit, dans le psaume 139, verset 22, 23, il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Recueillons-nous dans la prière. Tunaweza kuingia ndani ya hali ya maombi. Sonde-moi. Unichunguze. Et connais mon cœur. Na ujue moyo wangu. Quelles sont les influences sournoises? Ni nini visukumizi vya kisiri? Qui me détruisent? Vinavyoniharibu. Commence à prier. Anza kuomba. Dites, Seigneur, sonde-moi. Sema Bwana, unichunguze. dans mon cœur si je suis sur une mauvaise voie. Autrement, regarde si je suis déjà sous l'emprise sournoise de quelque chose et remets-moi sur la piste de l'éternité. Nous avons 5 minutes pour ça. Que chacun se mette à prier. Prions s'il vous plaît. Ne sois pas distrait. J'aimerais te signaler que si tu es distrait, c'est encore cette influence sournoise qui ne veut pas que tu sortes de là où tu es. Et si tu sens que tu es fatigué, c'est possible que c'est l'influence sournoise du diable qui ne veut pas que tu te rendes compte, qui ne veut pas que tu voyes ton problème. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Niguse tena ninaomba baba niguse tena Seigneur, ce moment est très capital. Wakati huni wa muhimu sana. Ces instants sont très cruciaux pour ta vie. Ces instants sont cruciaux pour toi. Wakati huni wa muhimu sana. Cruciaux pour moi. Maana kwa ajili yangu. Cruciaux pour l'église. Maana kwa ajili ya kanisa. Regarde si je suis sur mauvaise voie. Tazama kama niko kwenye njia mbaya. Objectif important. Révèle-lui, Seigneur. Seigneur, ce qui les garde dans la misère intérieure, ce qui les garde dans la bassesse, ce qui les garde, oh Dieu, dans les manques des perspectives éternelles. Oh Dieu, Jésus, light your people, Father. Éclaire-nous, oh Dieu. Libère ta lumière dans l'assemblée. Que ta lumière luise dans nos cœurs. Que ta lumière luise. Que ta lumière luise, oh Dieu. Fais luire ta lumière dans mon cœur. Fais luire ta lumière dans mon esprit. Fais luire ta lumière dans mon esprit. Fais luire ta lumière dans mon esprit. Afin que je perçoive les choses importantes de ma vie. Les choses importantes de ma destinée. Les choses importantes de mon avenir. Que je découvre, oh Dieu, les choses qui comptent pour l'éternité. Que je découvre, Seigneur, les choses qui comptent pour mon éternité. Oh mon Dieu, j'ai navigué, j'ai divagué en plein jour. J'ai divagué en plein jour. Je suis attrapé par les tâtonnements. Je suis attrapé par les misères intérieures. Sauve-moi, oh Dieu! Sauve-moi, Seigneur! Sauve-moi, Yahweh! Nigusé, Nigusé. Levez-vous, nous allons prier ensemble. Les autres sont encore assis là derrière. Levez-vous, s'il vous plaît. Levez nos mains, s'il vous plaît. Nous allons prier comme un seul homme. Vous savez, mes frères, c'est pas en vain que Dieu a organisé cette rencontre. C'est une saison de transformation et de libération. C'est une saison où chacun doit être dégagé du sept de la méchanceté. Et le point fort du méchant, c'est ici. Le point fort du diable, c'est dans ça là. Parce que là, il réussit en cachette. Il réussit dans ta vie en cachette. Il te cloue au sol sans que tu le saches. Levons nos mains. Levons nos mains. Prie avec moi. Et dites, mon Dieu, tu as bien fait de m'amener dans cette réunion. Tu as bien fait de me donner le temps d'écouter la parole. Ce soir, je te dis merci. Mais voici, je suis victime de ces emprises sournoises. Je suis victime, sans le savoir, de ces influences cachées. Ce soir, je viens à toi pour être délivré. Mon Dieu, ce soir, délivre-moi. C'est le même ennemi. On l'appelle Satan, le diable et ses démons qui opèrent ces choses dans ma vie, qui opèrent ces choses sur moi, qui opèrent ces choses contre mon existence. Mais aujourd'hui, je l'ai découvert. Aujourd'hui, Satan, je t'ai vu. J'ai découvert cette stratégie. J'ai découvert tes manœuvres. Et c'est fini. C'est fini pour toi. Dans ma vie, je mets fin à tes influences. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je mets fin à tes influences. Au nom de Jésus. Je mets fin à tes influences. Au nom de Jésus. Je déracine tout ce que tu as semé dans ma vie comme point de contact. Tes semences dans mon système. Tes semences pour me prédisposer à aller dans tes voies. Je les déracine. Je les déracine. Je les arrache. Je l'arrache. Je les arrache. Au nom de Jésus. Je les arrache par le feu. Je les arrache par le feu. Je les arrache par le feu. Je les arrache par le feu. Vas-y, arrache-les. Arrache. Arrache. Esprit de paresse spirituelle, esprit de paresse spirituelle, esprit de paresse dans la parole, esprit de paresse dans la prière, esprit d'indiscipline, esprit de distraction, esprit de divagation, out! Esprit de misère intérieure, sort! Esprit de bassesse, va-t'en! Influence des ténèbres, sors! Influence des sommeils, sors! Lourdeur spirituelle, sors! Sors! Sors! Sors! Libère cette femme, libère cet enfant, libère ce papa, va-t'en, libère-le. Dieu dit à Moïse, maintenant va, va, va et délivre-toi, va. Wende, va, Wende, et délivre-toi. Na uchifumbue. Dégage-toi. Wendo kaji ukwa boy. Dégage-toi. Wendo kaji fumbue. Dégage-toi. Wendo kaji weke uru. Dégage-toi. Wendo kaji weke uru. Satan n'est pas plus fort que toi. Shetani hata kuwa tena. Les démons ne sont pas plus forts que toi. Mapepo hayako nguvu kukushinda. La sorcellerie et la divination. Uchawi na wabuzi. Ne peuvent rien contre Israël. Haiwezi kitu juu ya Israeli. Ils ne tiendront pas devant ton approche. Va avec vigueur. Chasse-les avec vigueur. Chasse-les avec colère. Dégage-toi. Avec colère. Colère. Avec colère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche-moi. Lâche-moi. Lâche-moi. Lâche-moi au nom de Jésus. Lâche-moi au nom de Jésus. Dégage ma vie. Dégage ma vie de prière. Dégage ma vie de prière. Dégage ma vie de méditation. Dégage mon ministère. Dégage-moi. Dégage mes pensées. Va avec tes pensées impures. Vas-y avec. Sors avec tes convoitises. Prends tes convoitises et pars. Libère-moi. Tu n'as plus d'héritage ici. Tu n'as plus de logement chez moi. Tu n'as plus de place dans mon cœur. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Au nom de Jésus, je te chasse. Au nom de Jésus, sors de ma vie. Prie avec moi. Dites Seigneur Jésus. Les gens du monde disent Amalé, malé et demi. Les gens du monde disent Amalé, malé et demi. Satan, on l'appelle malin. Satan, on t'appelle malin. On t'appelle malin. Maintenant, Sasa, moi, mimi, je ne suis pas malin et demi, mimi si mais je suis sage lakini, mimi, par la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi de ta sagesse. À partir de maintenant, Sasa, prends ta main, touche ta tête. Dites Seigneur, distille la sagesse. Wendoka dans mon être, dans mon esprit, dans mon cœur, distille l'intelligence, la sagesse, la connaissance, que ta lumière soit, que ta lumière soit dans mon esprit, dans mon âme, que ta lumière soit dans mes pensées, que ta lumière soit dans ma volonté, que ta lumière soit. Rends-moi puissant par le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, Jésus a dit qu'il va m'envoyer un autre consolateur. Il sera avec moi. Il sera en moi. Jésus a dit que tu me conduiras dans toute la vérité. Tu me conduiras dans toute la vérité. Saint-Esprit, il est écrit que tu distribues les dons comme tu veux. Donne-moi ce soir le don de discernement, le discernement des esprits, le discernement des esprits, les esprits qui s'infiltrent dans ma vie pour m'influencer. À partir de maintenant, je vais le discerner et je vais le déjouer. Je vais le déjouer. Je vais tuer leur stratégie. Je vais détruire leur stratégie. Au nom de Jésus, installe ta sagesse dans mon esprit, dans mon âme, dans mes pensées, dans mon cœur, dans tout mon être. Au nom puissant sang de Jésus. Lève la main, lève la main. Dites Père, c'est ma baba. Tiens-moi cette main. Nishike mkono huu. Ne me laisse pas. Usiniache. J'ai encore un long voyage. Ningali na safari ndefu. J'ai raté beaucoup d'opportunités. Nimekosa fursa nyingi. À cause de ces influences. Sababu ya visukumizi hivi. J'ai gâché beaucoup de choses. Nimepoteza vitu vingi. J'ai gâché ma famille nimepoteza, à cause de ces influences. Sababu ya visukumizi hivi. J'ai raté l'emploi nimekosa kazi. À cause de ces influences. Sababu ya visukumizi hivi. J'ai gâché mes enfants nimeharibu watoto wangu. À cause de ces influences. Sababu oh mon Dieu. Oh, Mungu j'ai raté mon mariage à cause de ces influences. Oh Dieu, hey, Mungu. J'ai été fauché à cause de ces choses. Tiens-moi la main. Que l'ennemi ne me touche plus. Tena. Que la sournoisité ne m'atteigne plus. Na oh Dieu, amène-moi unipeleke dans les hôtels de ma destinée. Ya hatima yangu. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Christo. Et toi, Satan. tu ne toucheras plus à ma destinée. Tu ne toucheras plus à mon avenir. Mon avenir est sécurisé. Au nom puissant de Jésus. Je suis sécurisé. Je suis à l'abri par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'il en soit ainsi. Nous le verrons.